aussi beaucoup de rapports avec le Brésil, arrivé en Amérique latine, etc., etc. Et donc ça permet aussi de faire des comparaisons, des situations qui présentent à la fois des similitudes et des grandes différences, notamment sur quelque chose que j'évoquerai rapidement, c'est l'accès à la citoyenneté, puisque effectivement dans beaucoup de pays d'Amérique latine, le grand impensé était celui de l'indianité, avec, on va dire, une relégation aussi comme citoyen de seconde zone. Bon, ça commence à changer, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, donc, grosso modo, mon intervention, moi, je voudrais rapidement présenter ce contexte de la recherche, qui est le mien, avec un bref état des lieux des langues d'Amérique latine, très très bref, hein, il y a des diapositives où je passerai assez rapidement. Un bilan aussi des mobilisations indigènes et des conflits environnementaux en cours. Je me suis centré sur les conflits environnementaux parce qu'au fil d'une quinzaine d'années où je vais régulièrement effectuer des séjours en Amérique latine, je me suis aperçu que c'était parmi les revendications celles qui suscitaient le plus de conflits, compris de conflits violents de la part des États et des multinationales. Et que ces conflits-là, structuraient aussi une partie des mobilisations que l'on trouve en Amérique latine et qui intègrent d'autres acteurs, on va dire, que les communautés indigènes. Donc cela, ça m'amènera donc à rentrer dans le vif du sujet après en analysant ce que les communautés indigènes, à partir de leur conception du monde un peu particulière, hein, et des revendications qui sont les leurs, peuvent nous apprendre sur la façon de gérer pas mal de choses un peu différentes, hein, les relations sociales et humaines, d'aborder aussi des enjeux politiques, parce que c'est vrai qu'à travers ces revendications... on trouve des choses qui relèvent des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme, on va dire de la façon dont fonctionne la représentation dans les institutions et les assemblées démocratiques. Hein. Les questions environnementales, c'est quelque chose qui me semble tout à fait central, et plus généralement, la façon de vivre ensemble en harmonie avec ses semblables et la nature. Alors c'est pas pour faire, je tiens à préciser, hein, une espèce de tableau idyllique de ces communautés, parce qu'effectivement, notamment dans les terrains que j'ai faits, j'ai souvent eu l'occasion d'aller dans des communautés, des villages qui sont soumis à une pression intense, par exemple, de la part de multinationales canadiennes ou chinoises pour tout ce qui est extractivisme minier, et qui sont confrontées finalement à des débats internes, on va dire, très, très difficiles, très violents, parce que ces sociétés-là arrivent aussi avec de l'argent. Je me rappelle, moi, quelqu'un qui travaillait, qui était avocat et qui défendait les communautés indigènes, et qui disait, voilà, grosso modo, quelqu'un va arriver d'une société et proposer de donner à chaque membre, par exemple, de la communauté, l'équivalent de 30 000 dollars, là où, grosso modo, les gens arrivent péniblement dans un système très autarcique à avoir une cinquantaine de dollars en liquide dans leur poche, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des discussions comme ça qui font que bon, c'est pas un milieu homogène qui résiste, hein, c'est un peu comme partout, ces mobilisations sociales créent aussi de la division dans les différents groupes qui sont touchés par cette pression-là. Alors la référence à Galbraith, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, le bouquin de Galbraith qui s'appelait, qui je reprends un peu le titre, hein, c'était la voix des pauvres ou ce qu'ils ont à nous apprendre sur l'économie. Et ça me semblait quelque chose d'intéressant, parce que la référence à Galbraith indique que la gestion des affaires publiques, sociales et économiques n'est pas l'apanage exclusif des représentants gouvernementaux. C'est aussi des débats auxquels on est confronté en France, finalement. Est-ce que ce sont des experts ou des politiciens professionnels qui peuvent, grosso modo, organiser la vie publique, hein. Donc ce n'est pas l'apanage des représentants gouvernementaux, pas plus non plus des experts, et pas nécessairement non plus des savants ou des universitaires, hein. Donc en l'occurrence, il faut aussi prêter attention aux pratiques de ce que l'anthropologue Pierre Sansot appelait les gens de peu, hein, donc les gens de peu qui doivent souvent inventer des solutions inédites, voire alternatives, à des questions qui touchent justement la vie quotidienne. Alors, ce sont des questions qui ont à voir avec le logement, qui ont à voir avec la, la nourriture, avec l'épargne, avec le recyclage, ça c'est quelque chose d'éminemment important, le bricolage, hein, dans le sens anthropologique du mot, tel que par exemple Lévi-Strauss lui donnait, les techniques de détournement, enfin bref, autant d'art de fer, hein, pour citer Michel de Certeau, qui propose une autre vision de l'organisation de la vie domestique, ou sociale, ou politique. Donc mon propos sera illustré par un certain nombre de photos que j'ai prises au cours de, notamment du dernier séjour de 5 mois que j'ai fait. Alors certaines de ces photos sont extraites de vidéos, parce que je prends aussi des toutes petites vidéos. Donc, évidemment, la qualité est moins bonne. Donc à chaque fois que vous verrez une photo de moindre qualité, vous direz, bon, c'est extrait d'une vidéo. Alors, en introduction, si vous voulez, je voudrais quand même donner quelques indications sur la recherche, hein. Ce qui m'est apparu au cours de cette recherche, dans une série d'entretiens que je conduis aussi depuis quand même une quinzaine d'années, ça, souvent je vois des personnes nouvelles, mais aussi des gens que je connais déjà depuis pas mal de temps. Ça permet aussi de voir l'évolution de leur perception, des situations dans lesquelles ils vivent. Donc des questions liées au rapport entre les hommes et leur environnement, où ceci interroge non seulement une façon de vivre, hein, c'est ce que une posture philosophico-sociale que les Quechua appellent le Suma Kausai ou le Kume Mungen des Mapuche, ce qu'on a traduit par bien vivre, hein, qui est aussi une notion très instrumentalisée par les différents gouvernements, notamment en Équateur par le gouvernement de Rafael Correa, mais aussi une approche politique, sociale et économique de notre monde. Comment gérer, c'est quelque chose qui revient régulièrement, les biens et les richesses que nous avons reçus en héritage. Le mot de ressources est en général récusé quand il s'agit de l'eau, des forêts, des matières premières, etc. C'est des biens en commun. Hein. Et donc comment se comporter face aux défis environnementaux, comment prendre en compte la diversité culturelle. Je suis en train de faire un travail sur aussi avec pour une revue espagnole où l'on essaie de faire un bilan de la fameuse convention de l'UNESCO de 2005 qui est éminemment problématique, hein. Il ne parle même plus de diversité culturelle. Il y a eu tout un changement qui s'est effectué, exception culturelle, diversité culturelle, et maintenant ils mettent les expressions culturelles, donc une espèce de salmigondi où grosso modo, finalement, on sent que l'UNESCO est un peu gêné aux entournures pour finalement se positionner clairement par rapport à des enjeux qui sont des enjeux, on va dire, liés à ce que l'on appelle les industries culturelles. Et aussi, évidemment, comment organiser la parole publique dans un espace, on va dire, public, démocratique. Donc, grosso modo, voilà, c'est un peu le cadre général. Alors, quant au cadre théorique, si vous voulez, je donne aussi quelques indications, hein, sur un cadre théorique qui structurant le travail de terrain que je ne commande pas plus avant, les informations sont là, mais ces références, à mon avis, vous êtes quand même relativement familières, et elles s'inscrivent dans une posture, on va dire, épistémologique de la pensée critique qui postule notamment aussi une relation dialectique, hein, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important, on est confronté à ces questions-là, entre théorie et pratique, hein, c'est-à-dire que il y a une espèce d'aller-retour à peu près systématique, hein, qui permet de repositionner quelquefois à la fois des pratiques de terrain, qui permet aussi de réinsuffler, on va dire, d'autres notions dans les corpus théoriques, hein, des choses assez classiques. Et ça, c'est pour dépasser cette espèce de distinction auquel on est confronté. Enfin, je sais que nous, on en discute beaucoup chez nous, dans notre laboratoire de recherche aussi, hein, cette distinction entre extrêmement stricte entre doxa et épistémé, mais aussi des oppositions artificielles, hein, que l'on retrouve, par exemple de type normatif descriptif, de type savoir académique versus engagement, ou ce que les anglo-saxons appellent scholarship et commitment, hein, donc voilà, soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre, hein. Et qui illustre d'une certaine manière le côté un peu illusoire de ce que l'on a appelé pendant longtemps la neutralité axiologique. Bon, en sciences sociales, il est extrêmement compliqué et illusoire de professer une totale neutralité scientifique avec un regard tout à fait surplombant. Et ça, c'est aussi une façon de revendiquer une pensée qui est capable de produire... C'est un problème auquel tout le monde est confronté maintenant, parce qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité. de produire une vision, on va dire, globale d'un monde pluriel, pour reprendre la formule de Bernard Lahire. Donc, bref, une critique aussi émancipatrice qui manifeste, quand on travaille sur des terrains on va dire sociaux de façon générale, qui manifeste une solidarité de principe entre avec le progrès et les luttes sociales. Bon, donc, c'est pas quelque chose qui est déconnecté. Alors, donc, grosso modo, si vous voulez, sur le plan méthodologique, voilà, c'est un peu quelques éléments sur des méthodes relativement classiques, on n'invente rien en sciences sociales, mais qui supposent effectivement des ajustements avec le terrain particulier que l'on trouve dans les communautés indigènes. J'aurai rapidement l'occasion de réévoquer ça, mais par exemple la conduite des entretiens est quelque chose qui fonctionne avec dans beaucoup de communautés, avec, on va dire, une rhétorique particulière qui fait que, par exemple, on ne peut pas interrompre quelqu'un. Dans beaucoup de discussions, d'entretiens, quand les gens se mettent à parler, ils ont une formule pour dire qu'ils vont répondre à la question. Et quand ils estiment avoir répondu à la question, ils disent « voilà ce que je voulais dire bon. ». Et donc, en l'occurrence, ce qui est assez marrant d'un point de vue linguistique, c'est que c'est souvent des termes qui ont à voir avec la langue originelle. Par exemple, dans beaucoup de communautés mapuche où le mapudungun est de moins en moins parlé, la langue a quand même un statut symbolique très fort. C'est-à-dire que des responsables de communauté, des machis, c'est l'équivalent des chamans, mais chez les mapuchis, en général, les chamans sont systématiquement des femmes, qui, en général, démarrent leur intervention toujours en utilisant, la langue mapudungun, donc ils ne parlent pas nécessairement extrêmement bien, mais donc on retrouve ces formules, de présentation d'une réponse et puis de clôture d'un discours. Donc, si vous interrompez au milieu, vous interrompez l'entretien. Parce que ça ne se fait pas, on ne coupe pas la parole qui équivaut d'une certaine façon à couper le souffle à quelqu'un, quoi, d'une certaine façon, pour prendre cette image-là. Quand je parlais du bloc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'idée du bloc, c'était à un moment donné que dans les rapports qu'on avait autour des entretiens, c'était que ce matériau-là ne soit pas exclusivement qu'un matériau de recherche. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, d'accord, on participe à des entretiens. Ce qui serait intéressant, c'est que ces entretiens puissent être publicisés. Et donc ça, c'est ce qui fait que le travail était lourd. On est en train de terminer la retranscription de 63 entretiens, donc en général en espagnol, dont on fournit une traduction. Enfin, si vous allez sur le site, il y a un ou deux qui sont traduits en français. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans les différents pays, les différentes communautés qui ont été visitées, que c'est un espace d'échange finalement et qui permet de mettre en visibilité à la fois l'engagement, les expériences des uns et des autres, et que ce travail-là ne sert pas simplement qu'à des fins universitaires. Bon, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà un petit peu beaucoup de documentation. Parce que c'est aussi des choses qui permettent aussi de confronter la réalité du terrain avec les intentions, les politiques qui sont mises en œuvre ici et là, et notamment depuis quelques années, ça change actuellement en Amérique latine, mais là, avec à un moment donné un ensemble de pays qui vont porter au pouvoir, on va dire, des gouvernements de gauche ou de centre-gauche, et qui d'une certaine façon manifestaient d'entrée de jeu, on va dire, une grande sympathie à l'égard des communautés indigènes. Donc ils ont passé un certain nombre de corpus de lois. Et évidemment, ces lois-là, après, leur mise en pratique est un peu compliquée. Alors l'état des lieux des langues minorisées, bon, j'ai dressé un rapide bilan, l'objet de cette intervention n'est pas là, mais ça montre quand même que, si vous voulez, on trouve, c'est un peu ce que j'ai indiqué, une mosaïque de langues. Alors, quand vous parliez de l'Afrique, on n'est pas comme en Afrique, dans des pays comme le Cameroun ou le Nigeria, qui actuellement font partie des régions dans le monde où il y a une extrême diversité linguistique, avec des pratiques encore bien vivantes, même évidemment dans cette situation aussi où le français est quasiment érigé comme langue de l'administration, c'est pas simplement que langue officielle, mais langue de l'administration et de l'éducation. Mais enfin, en toute hypothèse, c'est vrai qu'on voit donc une très grande diversité. mais avec des situations où les langues sont très très fragiles. Parce qu'à part quelques grands groupes linguistiques, comme par exemple les Quechua, notamment dans les zones amazoniennes, on trouve des communautés très peu nombreuses, relativement isolées, et tant que les isolats, on va dire, existent parce que le biotope n'est pas détruit, bon, ces communautés arrivent à protéger, on va dire, une transmission intergénérationnelle. Mais aussitôt que ces forêts sont défrichées, par exemple, hein, par des sociétés forestières, eh bien, d'entrée de jeu, comme ça, ces communautés sont extrêmement fragilisées. Et donc, on trouve des situations. Alors, il y a des facteurs qui accentuent, bien évidemment, la disparition. Hein, quand dans les entretiens qu'on mène, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Bon, je pense qu'en Bretagne, il y a beaucoup de facteurs de ce genre qui nous sont absolument pas du tout étrangers. Oui. Je m'excuse de vous couper, mais non. Je voulais savoir si les différents gouvernements de ces pays sont favorables à une suppression à plus ou moins long terme des réserves, justement, qui confinent les Amérindiens dans des zones plus ou moins... Il n'y a pas beaucoup de réserves. Hein. Ils avaient un système avant qui s'appelait des systèmes où finalement il y avait des zones protégées, hein, mais stricto sensu, il n'y a pas de réserve. C'est effectivement, on va dire, d'une succession de villages, alors qui sont souvent isolés. Quoi. Par exemple, quand on va dans les Andes, aussitôt que vous montez au-dessus de 2000 mètres, bon, vous êtes systématiquement dans des villages indigènes, parce que plus les gens sont pauvres, plus ils habitent haut. C'est pas plus compliqué que ça, puisque grosso modo, par le système de répartition des terres, les terres les plus riches se trouvent dans les vallées. Donc en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc d'une certaine manière, il y a des isolats géographiques, hein, liés à la difficulté des moyens de transport, qui font que, bon, en général, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Il n'y a pas eu de système de... C'est arrivé parfois, mais de déplacement de population et de confinement des communautés indigènes dans des plantations. On se trouve encore dans des habitats, on dirait, relativement classiques, quoi. Les gens habitent là où depuis des temps immémoriaux, ils résidaient. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de... Mais ce qui est assez intéressant, bon, il y a effectivement la violence de la conquête. Hein, c'est quelque chose qui revient toujours. Que l'on retrouve d'ailleurs, y compris quand j'entendais que vous parliez par exemple du travail que vous faites sur des carnets de votre grand-père, eh bien, on trouve aussi ce genre de choses beaucoup dans les témoignages, dans les courriers, etc. C'est-à-dire un regard extrêmement, on va dire, désabusé, hein, sur la violence de la conquête, hein, qui s'est manifestée de différentes manières. Les épidémies, bon, qui est quelque chose qui a largement contribué à décimer des populations. Destruction massive des écosystèmes. Moi, j'aurai l'occasion de revenir sur toutes ces choses-là. Et effectivement, le fait que, pour moi, c'est une... Si vous voulez, je ne sais pas, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de collègues. La grande différence, si vous voulez, me semble-t-il, entre ce qui s'est passé, par exemple, lorsque l'on traite des questions des langues minoritaires en Europe, et ce qui s'est passé en Amérique latine, c'est que, bon, grosso modo, si on prend le cas de la France, cette espèce, après 1794 et le fameux rapport, Barrère-Grégoire, hein, l'idée que d'une certaine manière, bon, la langue est l'unité d'un pays et il faut se débarrasser de toutes les langues qui portent la contestation, la superstition, vous connaissez ce rapport aussi bien moi, et d'une certaine manière, il y avait quand même à la clé, c'était aussi un peu le fruit de l'idéologie des Lumières, dans toutes ces contradictions certes, hein, mais que d'une certaine manière, le fait que les populations qui avaient des idiosyncrasies culturelles ou linguistiques, si elles les abandonnaient, avaient la promesse d'un accès complet à la citoyenneté française, hein, et avec la dotation de tous les droits. Alors, bon, ça fonctionnait plus ou moins bien. Il y avait au moins cette promesse-là. Et cette promesse-là n'a jamais fonctionné en Amérique latine, puisque, si vous voulez, la question, c'était que il y a un impensé de l'indianité, un phénomène de colonisation, où d'une certaine manière, il y a eu tous ces débats, la fameuse controverse de Valladolid, par exemple, hein, qui ont statué finalement sur la question de la liberté et de libre arbitre, on va dire, des populations indigènes. Donc en l'occurrence, il y a toujours eu, jusqu'à récemment, hein, l'élection de Morales est un tournant, par exemple en Bolivie, puisque tout à coup, il va y avoir la reconnaissance finalement qu'une partie de la population puisse aussi bénéficier de droits dont bénéficient généralement, on va dire, les populations d'extraction hispanique. Donc voilà un petit peu ce bref bilan linguistique. Mais alors effectivement, pour arriver à la question des mobilisations, j'essaye de ne pas me tromper sur mes diapositives en ne les passant pas trop vite. Donc là, c'est... Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est pour beaucoup d'États, c'est que bon, pendant longtemps, ces populations-là ne dérangeaient pas trop, parce qu'elles étaient confinées dans des endroits où personne n'allait, parce que c'était trop compliqué, la vie était trop dure. Enfin bon, vivre dans les régions amazoniennes, ça suppose quand même une grande habitude du terrain. Enfin, quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est tout sauf facile. Donc en l'occurrence, si vous voulez, ces mobilisations, elles ont lieu dans des zones qui sont considérées comme des zones extrêmement riches maintenant, parce que ce sont des zones où se trouvent les matières premières. En ayant discuté par exemple avec des responsables économiques au Pérou, ils disent clairement, nous, dans l'Amazonie, on a les 25 prochaines années du financement de toutes nos politiques publiques, de la fabrication de la construction des infrastructures. Et effectivement, ces 25 années, comme ils disent, ça se trouve dans l'Amazonie. C'est-à-dire que les ressources de l'Amazonie sont effectivement importantes. Alors il y a bien évidemment l'étain, le zinc, le cuivre, le fer, l'or, l'argent, le lithium. Le lithium, c'est un dernier truc qui est apparu, notamment en Bolivie. Ils ont un qui s'appelle les salars. Donc c'est un salar des Uyuni qui se trouve dans l'altiplano à 3650 mètres. Et ils ont découvert qu'effectivement, c'était un produit tout à fait intéressant pour notamment les batteries de téléphone. Et puis, et donc en l'occurrence, si vous voulez, il y a d'autres endroits, comme ça, il y en a un dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. Et puis aussi, un autre salar qui est un endroit tout à fait incroyable, j'ai eu l'occasion d'y aller. Le nom d'ailleurs dit tout, hein, on a vraiment l'impression d'être dans un western, ça s'appelle El Salar de l'Hombre Muerto, donc le lac salé de l'homme mort. Effectivement, il ne faut pas trop y traîner parce que bon. Avec la déshydratation, etc. Enfin, c'est des zones. Mais donc, il y a une pression incroyable, le pétrole, bien évidemment. Hein. Et donc, actuellement, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle montre quand même que en Amérique latine, il y a un grand nombre de conflits miniers. Hein. Rien que sur les conflits miniers, 217 conflits qui grosso modo, touchent 331 communautés et avec 6 conflits frontaliers. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans une zone aussi qui est entre le Pérou et l'Équateur dans la zone amazonienne. Et on se trouve effectivement dans une emprise qui a d'ailleurs été l'objet d'un conflit entre le Pérou et l'Équateur, hein, pour des questions de balisage de la frontière. Et grosso modo, dans ce lieu particulier, où je vous montrerai quelques photos tout à l'heure, eh bien, il y a un projet d'extraction minière qui est conduit par une entreprise chinoise. Et donc, avec une très forte mobilisation, notamment d'une communauté chouar, enfin, c'est ce qu'on appelait les Indiens Jivaro, les réducteurs de tête, qui sont très mobilisés parce que du jour au lendemain, ils se retrouvent avec des gens qui leur parlent chinois, ils n'inventent rien. Et dans un contexte où on leur fait comprendre que non seulement ils dérangent, mais il y a aussi des vagues d'assassinats. Donc si vous voulez, ces conflits aussi touchent les ressources hydriques. Hein. J'ai mis cette carte qui est assez intéressante, hein, parce que si vous voulez, en Amérique latine, l'Amérique latine concentre, on va dire, je crois que c'est 25%, parce que il me semble que c'est ce qui est indiqué là, 27% des ressources d'eau douce du monde entier, hein, et pour une population mondiale qui tourne aux alentours de 6%. Donc il y a de très très nombreux conflits. Alors à la fois pour la privatisation de l'eau, au passage c'est quand même à l'occasion d'un conflit de ce genre à Cochabamba en 2000 en Bolivie que les mobilisations sociales ont débouché sur l'élection de Evo Morales, donc qui fait partie d'une communauté Aymara à la présidence de la République. Donc c'est pour montrer que c'est des conflits qui aussi ont des incidences sur, on va dire, la recomposition de l'électorat et des préoccupations, on va dire, des personnes. Il y a un article aussi que dans un des trucs que j'ai fait circuler, qui vient du monde diplomatique, qui s'appelle « La lucha para la recuperación del agua en Chile », qui montre qu'effectivement, il y a aussi une grosse critique qui se produit, parce que dans ce travail, on va dire, de construction de centrales hydroélectriques, en général par des multinationales, elles sont argentines, mais elles sont souvent italiennes, espagnoles, etc., ces centrales électriques ne servent pas stricto sensu à desservir les populations locales, mais au contraire à alimenter. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça aussi dans une zone qui se trouve dans l'Apurimac, qui est une région relativement montagneuse du Pérou. Ça sert finalement à desservir les industries minières qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc, visiter un endroit, en pratiquement un an, ils sont capables de construire entre la centrale hydroélectrique et des zones qui sont relativement éloignées en montagne, des lignes à haute tension. Donc les gens aussi sont un peu embêtés parce qu'ils sont dans des villages où quelquefois depuis des dizaines d'années ils demandent l'électricité et ils voient une ligne à haute tension qui passe au-dessus du village. Et ça dessert, on va dire, des intérêts qui sont purement industriels. Donc voilà. Alors sur les mobilisations aussi, pour continuer, l'un des grands thèmes aussi, c'est les questions de déforestation. Hein. Puisque, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement de déforestation pour, souvent pour des industries minières d'ailleurs. Et puis, c'est le cas par exemple dans tout le sud du Chili, jusqu'à la Patagonie. La déforestation s'accompagne d'un processus de plantation d'eucalyptus qui sont utilisés alors, pour l'industrie de la fabrication du papier, cellulose, hein, et aussi pour des matériaux d'habitation, tout ce qui est charpente. Et donc, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne l'eucalyptus, ça pompe beaucoup d'eau. Hein. Les gens disent que grosso modo, ça attire quelques centaines de litres d'eau, ça assèche les terres. C'est un arbre qui déçoit avec l'écorce, donc ça stérilise les sols. Hein. Et donc, ça pose des problèmes. Les sources, là, j'ai pris directement les sources de la propre société qui s'appelle NC Energía y Celulosa España, c'est une société espagnole. Le Lenque. Hein. Et donc l'Araucanie, c'est donc ici, là, le Mapuche, ici, dans cette région-là, est une des régions les plus touchées en Amérique latine, avec des pans entiers. Mais on trouve aussi le même processus, si vous voulez, c'est une carte que j'ai trouvée là, de Global Watch, hein, qui est une carte qui monte dans les zones orangées, on va dire les zones qui sont déjà soumis à la déforestation, hein, et avec effectivement quelque chose d'un petit peu dramatique, c'est que, grosso modo, un cinquième de la forêt amazonienne a déjà disparu. Et ça affecte bien évidemment la question des ressources hydriques. Alors, pour continuer, ben voilà, c'était un peu la photo que je voulais vous montrer tout à l'heure quand je parlais de conflits transfrontaliers, donc une région où j'ai eu l'occasion de me rendre dans une... Et donc cette région-là, actuellement... est une région. Donc, alors, de ce côté-ci, il y a le Pérou, et de ce côté-là, il y a l'Équateur. D'accord ? Et donc, c'est un document, vous verrez, un document vidéo qui a été tourné par des amis chouards, et qui font une extrapolation. C'est que ce que vous allez voir, c'est un fondu enchaîné, mais qui montre, on va dire, l'avant et l'après. Bon. C'est encore comme ça, si vous voulez, mais les travaux ont déjà commencé. Hein. C'est une entreprise chinoise, hein, qui d'une certaine manière a obtenu une concession dans cette région-là de 80 km sur 60. Hein, donc les Chinois sont arrivés. Je me rappelle quand on y a été, c'était très compliqué. Pour ça, j'ai très peu de photos, parce que c'était très compliqué. parce que évidemment il y a des milices, il y a des, c'est, tout est entouré, donc c'est, les communautés indigènes ont de plus en plus de mal à se déplacer, parce qu'ils sont plus chez elles. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, cette projection-là montre quelque chose qui est bien réel. C'est un, c'est une, comment, la mine de Chuquicamata, comment, au Chili, dans le nord du Chili, hein. Et ça donne ce résultat-là. C'est un endroit aussi où il y avait des montagnes, ça ressemblait un petit peu. Et donc, on se trouve avec ce cratère qui fait 800 mètres de profondeur. Donc, ça veut dire que cette région-là, voilà, dans le document vidéo qui se trouve sur le blog, là, vous verrez cette animation. C'est une animation qui s'appelle la Cordillera del Condor, donc la montagne du Condor, qui est un animal très symboliquement sacré chez beaucoup de communautés indigènes, et où l'on voit donc, par superposition ce qui va se passer, et ça se passe relativement rapidement, parce que les Chinois ont obtenu une concession de 30 ans, et ils pensent avoir terminé l'exploitation dans moins de 30 ans, 20 ans maximum, d'accord. Et avec effectivement, donc là par exemple ce cratère là c'est 800 mètres de profondeur sur 7 km de large, et avec toute une contamination avec, alors selon les cas de figure, c'est au cyanure pour le cuivre, pour le cuivre, il y a tout un ensemble de produits chimiques après qui font qu'évidemment il y a une contamination importante. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement j'ai une photo que j'ai prise, hein. Donc c'est marqué propriété, alors c'est assez étonnant, propriété collective, parce qu'en fait c'est un truc privé, vous voyez. Donc c'est un peu comme en Chine en ce moment, vous savez, quand il y a des gens qui manquent des entreprises, on n'appelle pas ça un processus de privatisation, mais un processus de socialisation. C'est un truc tout à fait intéressant. Bon, voilà, c'est une propriété collective de Cascomi. Hein. Et donc... donc là, effectivement, ça indique clairement que... Il y a un truc très particulier, c'est que normalement, vous êtes redevable, si vous pénétrez sur cette question-là, de passer devant la justice indigène. Ouais, qui est un truc complètement idiot, parce qu'effectivement, le problème, c'est que c'est écrit en chinois dessous, hein, et que j'aurai l'occasion rapidement d'évoquer ça un peu plus loin, mais que notamment dans les textes de loi qui existent, chaque on va dire projet doit être soumis à ce qu'ils appellent une consultation préalable. C'est qu'il doit avoir une, ça fait partie des mesures qui sont prévues par la convention 169 de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire que chaque projet doit se faire en consultant préalablement les communautés indigènes. Là, je peux vous dire, ça ne s'est pas fait, parce que j'ai passé pas mal de temps là-dedans, et les gens disent, il n'y a qu'un problème, c'est qu'ils mettent ça, mais nous, on ne nous a jamais rien demandé. Ils ont vu des gens arriver un jour avec du barbelé, et puis c'est écrit en chinois, il y a des endroits où tout est écrit en chinois. Alors, ce qui est assez... il y a une dynamique des mouvements sociaux. Alors, ça, c'est des photos que j'ai prises dans différents endroits, hein. Là, c'est des mobilisations. C'est sur la terre. Hein, donc, c'est du côté de Chiloé, ça, de Puerto Montt. Là aussi, c'est des manifestations qui fonctionnent aussi contre les centrales hydroélectriques. Le thème de l'eau revient souvent. Ça, c'est un. C'est comment dans une région péruvienne. La vidéo se trouve aussi sur le blog. Hein. Il y a une grande tradition, on va dire, en Amérique latine, de ce qu'on appelle les muralistes, hein, c'est pour ça que j'ai trouvé d'ailleurs le truc d'Hugo Rivera, vous l'avez peut-être remarqué, où les luttes sociales s'expriment aussi sur les murs, c'est-à-dire les gens, il y avait tout un ensemble dans une petite ville près de Ayacucho, où grosso modo, avec les écoliers, ils ont décidé de se mobiliser contre la mine du coin. Donc vous pourrez voir cette chose-là, mais j'ai juste sorti cette petite imagette. Hein. On vit sans or, on meurt sans eau. Parce que le problème, il est là. Effectivement, c'est un choix. Et alors, là aussi, on se trouve devant des mobilisations. Alors là, c'est une personne qu'on a eu l'occasion de rencontrer, Machimilala Wichalaf, qui est une... Chez les Mapuche, en général, comme je vous disais tout à l'heure, les chamans sont souvent... ou pratiquement tout le temps des femmes. Alors, dans le travail de rencontre qu'on avait avec des témoins de communauté, on a interrogé beaucoup de chamans, parce qu'effectivement, contrairement à l'espèce d'image d'épinal, du guérisseur qui vous prodigue un peu d'ayahuasca pour aller dans des paradis artificiels, ce sont avant tout des médiateurs. Ce sont eux qui mettent en acceptabilité sociale, alors à travers effectivement des processus rituels, y compris de prise de substances hallucinogènes, mais grosso modo, ça permet de fournir une réponse à la communauté en disant voilà ce qui est acceptable ou pas. Donc ce sont des médiateurs, ce sont des gens extrêmement politiques, très impliqués dans les luttes sociales, dont ils sont souvent les instigateurs. Hein. Et donc là, c'est une jeune femme qu'on a eu l'occasion de rencontrer, qui justement a été à un moment donné, on a eu l'occasion d'aller à ce procès-là, qui a été arrêtée par la police chilienne, hein, en vertu d'ailleurs d'un truc tout à fait étonnant, c'est que dans la constitution chilienne, qui a été au fait préparée par Pinochet, et qui n'a à ce jour toujours pas été amendé, il y a une disposition qui s'appelle la loi antiterroriste. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, en général, les gens reçoivent un ordre de dispersion, et puis s'ils ne le font pas, ils sont arrêtés, et ils tombent sous le coup de la loi antiterroriste. Donc c'était un peu le cas de cette jeune femme. Et là, c'est dans les communautés chouars, hein, donc c'est... On va dire l'affiche et tout ce qu'il y a de plus explicite, hein, le peuple chouar résiste face aux criminels miniers. J'expliquerai après pourquoi ils utilisent ce terme de criminel minier. Alors, toujours dans les... Alors, donc c'est la jeune chamane. Donc c'est vrai que ces mobilisations et ces conflits... environnementaux débouchent sur une répression féroce, hein, au nom de lois antiterroristes, avec aussi la militarisation. C'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'on se trouve dans beaucoup de régions, lorsqu'on s'y déplace, hein, avec des endroits où il y a une présence militaire. Ceci dit, bon, j'ai discuté l'autre jour avec mon ancien directeur de thèse, Armand Matlar, on est dans un jury de thèse, et qui a fait une partie de sa carrière en Amérique latine. Et on comparait, si vous voulez, vous avez peut-être vu ça, non, mais j'habite à Nantes, autrement, toutes les mobilisations contre la loi El Khomri, contre l'aéroport de Nantes, etc., etc., et où l'on voit tout à coup des forces policières qui sont des forces armées, quoi. Et moi, ce qui m'avait étonné, je discutais de ça avec Armand Matlar, c'est qu'ils ont le même matériel en Amérique latine. Mmh. Avec des canons à eau, des trucs assourdissants, etc., etc. Et donc, il me disait, ouais, actuellement, il y a un marché international, par exemple, de l'équipement des polices, qui fait qu'en France aussi, on est déjà plus ou moins dedans, on arrive devant des systèmes de répression policière, qui sont de la répression, on va dire, de type militaire, où là, c'est plus une question de garantir l'ordre public, c'est une question... la question d'interdire à des gens de manifester un point de vue. Donc ça, on le voit à l'œuvre. C'est des choses qui... avec des trucs tout à fait étonnants. Bon, les trucs classiques des manifestations, si vous voulez. Mais, vous voyez, avec... ça, c'est dans des communautés. Les villages se font littéralement entourés par des gens qui rampent, qui sont armés, etc. Du matériel militaire. Et là, c'était l'endroit que je vous ai montré précédemment, quand on avait été... On avait été avec une communauté chouar, quelques indigènes là pour sur cet endroit justement où il y avait une manifestation, et on voit effectivement une présence militaire très très forte qui fait qu'à un moment donné on est obligé de partir. Alors ça se solde, c'est là où je veux en venir pour clore cette partie là, ça se solde aussi par on va dire une répression qui est loin d'être une répression, on va dire, qui passe par simplement des choses liées aux tribunaux, quoi, des sanctions juridiques ou des choses de ce genre-là. Et cette carte-là aussi est intéressante parce qu'elle montre qu'actuellement dans le monde, l'endroit où il y a le plus d'assassinats liés à la défense de la terre, c'est l'Amérique latine. Alors, pas de surprise, le Brésil, que je connais moins, pour ça j'en parle pas beaucoup, hein. Mais par exemple, on voit que le Pérou, c'est 67 personnes qui ont été assassinées. La communauté où j'étais, j'ai eu l'occasion d'interroger notamment une communauté chouar, dans cet endroit. Et là, j'étais avec la famille de quelqu'un qui avait été assassiné la semaine précédente, et c'était le troisième mort dans la communauté, donc de leader de communauté, qui normalement avait réuni des documents, des choses qu'il voulait porter devant les tribunaux, à savoir la contamination de la rivière où ils étaient. Ils avaient fait des analyses avec le cyanure. Bon. Et donc le frère de la famille Tendency a été retrouvé donc, et abattu de la manière enfin, qui montre on va dire, la signature de professionnel, c'est-à-dire il avait une balle dans l'œil, c'est tout. Et évidemment, ses documents avaient disparu. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même une militarisation, mais aussi une répression extrêmement féroce, parce qu'en marge de l'armée, il est possible aussi de payer ce qu'ils appellent des sicarios, c'est-à-dire des gens qui ont commandité un assassinat. Alors je vais venir maintenant au cœur de là, ça doit être voilà, il me restera suffisamment de temps après pour des questions, je pense, sur cette partie, ce qu'ils ont à nous dire sur la gestion du monde, en montrant aussi que, si vous voulez, il y a eu une espèce de changement d'attitude par rapport à quelque chose d'assez classique aussi, hein, à la façon dont on représentait, enfin, c'est tout l'imaginaire des communautés indigènes. Comment cela a été construit, hein, pour, grosso modo, invalider les revendications qui étaient les leurs. Alors, c'est des choses assez classiques, hein, c'est-à-dire que, bon, voilà, grosso modo, c'est des choses qui ont été construites par les pouvoirs politiques dans un contexte de colonisation. Alors, l'argument classique invoqué, c'est l'archaïsme. On a connu ça aussi en Bretagne, vous êtes un archaïque, vous êtes anti-moderne, hein, vous êtes dans le passéisme, vous êtes enfermé dans la tradition. Ça, c'est un grand classique. Hein. La plupart des anthropologues, je pense qu'il y a Fanch et Ligouet qui a travaillé là-dessus en Bretagne. Et je pense à des gens comme Alban Bensa, qui a travaillé sur les Kanaks, ou des gens comme Descola, qui a aussi travaillé sur les Chouars, qui disait à un moment donné, il n'y a pas de tradition figée, ça n'existe pas. Il disait, là, une tradition s'invente, se recompose, etc. Exprime aussi des manières de se positionner. Par rapport à des situations qui sont des situations, on va dire, de conflits identitaires. Hein. Donc la seule différence, c'est qu'effectivement, ce que la modernité, on le voit bien, par exemple, dans les 15 dernières années, avec des outils comme la mise en réseau des ordinateurs ou le portable, ça accélère la modification des comportements. Hein. Mais en toute hypothèse, les anthropologues qui travaillent sur les terrains, on va dire, sur ces terrains-là, ça les amuse beaucoup quand on leur parle de tradition, quoi, figée, parce que ça évolue tout le temps. Moins vite, certes, mais ça évolue parce que la tradition relève aussi d'une dynamique sociale, et y compris de conflits internes. Il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est Descola qui a été le premier à démonter ça. C'est l'idée aussi que, bon, évidemment, vous êtes dans l'archaïsme, dans le passéisme, dans les traditions, et grosso modo, vous êtes loin de l'individualisme contemporain. On voit ça y compris dans les formes d'art. Hein, ce qui caractérise l'art indigène ou les arts indigènes, c'est qu'on est dans la reproduction de modèles ancestraux et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent, et qu'il n'y a pas de créateur parce qu'il n'y a pas d'individualité. Alors lui, il a travaillé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, plutôt aussi dans des communautés choix, c'est des gens qui sont très individualistes. On le voit d'ailleurs dans l'organisation des villages. Il n'y a pas de village. Parce que bah, ils sont un peu comme, on va dire, le Français qui vit dans un environnement pavillonnaire. Il veut avoir sa maison, hein, il veut avoir sa maison, et il veut être, si possible, le plus loin possible de son voisin. Vous voyez ? Donc, grosso modo, vous trouvez des maisons qui se trouvent quelquefois à 800 mètres, 1 km les unes des autres, parce que les Chouars aiment bien être peinards chez eux. Ils n'aiment pas que leurs voisins voient ce qu'ils font, etc. etc. Donc, ils cultivent une espèce d'individualité qui ne les empêche pas de se mobiliser. Mais si vous voulez, effectivement, ça récuse un peu cette idée que ce qui caractérise, on va dire, ce que certains appellent l'esprit communautaire, c'est le repli sur la tradition et l'intégration dans le nous collectif. Il n'y a pas de pensée individuelle, il y a du collectif. Bon. Alors ça, on le voit notamment quand on participe à des réunions, etc., où des gens essayent un peu d'organiser une réponse, par exemple, par rapport à l'arrivée d'un projet minier. Hein, c'est quelle stratégie voir. Et on voit bien qu'effectivement, les gens ne sont pas... franchement d'accord, parce que il n'y a pas une voix supérieure qui parle au nom de tous et qui arrive à mettre les... Donc en l'occurrence, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette construction de l'imaginaire a débouché sur une image qui a eu pendant longtemps force de loi. C'est l'idée que l'Indien était en plus un sauvage cannibale. Donc c'est cette photo-là qui fait figure dans un des petits fascicules que je vous ai passé. Là. Ça s'est fait par le biais donc, de photographies falsifiées. Alors, celle-là date de 1913 et elle était fabriquée par une, on va dire, qui s'appelait la Casa Arena, qui était en fait un endroit qui était une plantation d'EVA, de caoutchouc, hein, dans l'Amazonie, c'est pas très loin d'Iquitos. Et où, grosso modo, cette maison-là utilisait du personnel indigène qui était soumis à l'esclavage, à la maltraitance, et y compris aussi à des assassinats quand les gens... Alors l'idée, c'était de dire, de toute façon, ces gens, il faut les dompter, parce que regardez de quoi ils sont capables. Alors cette photo-là, évidemment, elle serait cocasse si elle n'avait pas véhiculé et charrié autant de stéréotypes qui ont construit... Cette idée que finalement les cannibales, grosso modo, sont à ce point sauvages que seule la violence à leur endroit peut les contenir dans une, loin de la barbarie. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'en agrandissant la photo, ils voient que les yeux sont ouverts. C'est comme s'il y avait vraiment un trucage. Donc ils ont le procès est un peu grotesque. Mais grosso modo, voilà, ces images ont circulé et ont permis, si vous voulez, de justifier, on va dire, par les exploitants d'EVA, l'esclavagisme et les mauvais traitements. Il y a un anthropologue français qui a travaillé aussi là-dessus, c'est Jean-Pierre Chaumeil. Il appelle la guerre des images. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, ces images-là avaient une intention performative. Donc on était déjà au début du XXe siècle dans l'idée que les images permettaient de changer les représentations qu'on pouvait se faire des uns et des autres. Donc ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi quelqu'un qui a travaillé sur ces questions-là, qui m'avait entre autres fourni ces documents. Alors, pour entrer après dans le vif du sujet, effectivement, on voit ce glissement-là, parce que tout à coup, la question de l'archaïsme... c'est une des photos que j'ai prises. C'est en Amazonie, ça. Donc ça, c'est chez les Mapuches, c'est le drapeau Mapuche. Et puis ça, c'est Quechua, là, Wungra Wikrin, qu'on peut traduire par les pierres qui pleurent. Voilà. Alors, ces photos-là sont assez intéressantes, parce qu'elles symbolisent bien la représentation que les peuples indigènes se font de leur place dans le cycle du monde. Ça fonctionne sur une logique, on va dire, d'interdépendance. Tous les éléments de la chaîne sont complètement interdépendants. Sur l'absence de hiérarchie d'une espèce sur l'autre. Hein. Donc c'est un ensemble circulaire qui relie hommes, animaux, plantes, éléments de la nature. Donc c'était mon collègue que Jean-François a rencontré, là, Léo Cassas, qui m'avait envoyé cette revue-là, Lumira Wikin, donc c'est du Quechua, et qui d'une certaine matière, indique que les sanglots des pierres, parce qu'effectivement, il montre là, sur cette photo-là, un processus de déforestation. Et il n'y a pas que les hommes et les femmes qui pleurent, il y a aussi la nature et les pierres qui pleurent. Et si vous voulez, c'est une question qui est centrale finalement dans ce qu'on appelle la cosmovision indigène, c'est cette interdépendance où aussi tous les éléments de la nature ont une voix. Moi, je me rappelle une des premières fois où j'ai fait un entretien, bon, j'ai demandé si je pouvais enregistrer l'entretien, comme on fait toujours. Et la personne m'a répondu, il n'y a pas de problème, parce que chez nous, la voix, l'enregistrement, c'est fondamental. Les pierres, il m'avait effectivement indiqué que les pierres, quand on les écoute, elles disent quelque chose. Les rivières chantent, les plantes parlent, etc. Donc il y avait littéralement une vision très animiste du monde, mais qui symbolisait cette interdépendance. Alors, la question temporelle aussi, c'est pour ça que j'ai mis le deuxième document. Là. La question temporelle est également fondamentale, avec une roue du temps. Ça, ce qu'on voit dans le... Ça symbolise ce que les Mapuches appellent le kultun, c'est un tambour, hein, qui est utilisé dans les cérémonies. Hein. Et, et qui montre finalement que on est à ça fonctionne à rebours du temps. C'est-à-dire, on n'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre, on est dans le sens inverse. Et j'ai extrait une phrase d'un ouvrage que je traduis là de comment d'un poète comment Mapuche qui est très impliqué dans ces cultures-là, qui a fait aussi beaucoup de récits de vie dans les communautés, etc. Et il dit bah effectivement c'est une vision qui est à rebours des aiguilles de l'horloge, mais en harmonie avec la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est pour eux, ils se disent tout simplement bah voilà, ça correspond à la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est dans ce sens-là que ça avance. Mais il va plus loin, il dit c'est dans ce temps que commence le chemin du retour vers ce lieu où le Mapuche peut entendre la respiration de la rivière. C'est-à-dire que, grosso modo, on se trouve, si vous voulez, dans une optique qui est très différente, par exemple, de ce que dénonce l'historien François Hartog lorsqu'il parle du présentisme, c'est-à-dire une espèce de déconnexion théologique entre le passé, le présent et le futur. Là, on va dire, tout se lie dans un temps qui n'est pas un retour sur le passé, mais qui permet toujours de relier, on va dire, les différentes temporalités qui font que, d'une certaine manière, des êtres humains s'inscrivent dans une histoire. Alors, ce qu'ils ont à nous dire, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que lorsqu'on fait des entretiens, bon, on apprend ça à nos étudiants, il faut pas dans les entretiens susciter les réponses. Donc il faut laisser, en plus, c'est vrai, dans beaucoup d'entretiens, on laisse courir, parce qu'on ne peut pas interrompre la parole, donc si les gens parlent une demi-heure, c'est une demi-heure, si c'est une heure, c'est une heure. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, sans susciter ces choses-là, il y a quelque chose qui revient régulièrement. C'est le mot, le terme de capitalisme. Donc globalement, il y a une critique du modèle capitalisme, et avec, on va dire, dans les entretiens qu'on a conduits, là, avec des choses qui sont explicitées. Quoi. C'est-à-dire que ce qui est évoqué, par exemple, c'est l'exploitation effrénée des matières premières. Parce que, par exemple, dans les communautés, par exemple, amazoniennes, de tout temps, il y a eu de l'exploitation minière, hein, artisanale. J'ai eu l'occasion d'en visiter, etc. Bon, comme ça se faisait dans beaucoup de pays. Hein, voilà, il y a un endroit où il y a de l'étain ou de ceci, cela, bon, il l'exploite pour en faire les outils de la vie quotidienne, et avec cette idée qu'un outil se garde le plus longtemps possible. Donc il y a cette idée d'une exploitation effrénée des matières premières, de la faune aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, qui... Il y a un braconnage absolument incroyable d'espèces animales, notamment en Amazonie. On rappelle avoir été avec quelqu'un qui avait récupéré, comme ça... Et c'était des ocelots qui sont des espèces qu'on on va dire qui sont très, très, très chassées pour des collectionneurs étrangers, américains ou européens, hein, qui trouvent que c'est du dernier chic d'avoir un ocelot dans son jardin, etc. Ou alors, encore de manière plus prosaïque, pour avoir une peau. Donc, en l'occurrence, il y a les fameux aras, les perroquets, etc. Il y a un trafic absolument incroyable. Et pour des raisons qui sont liées à cette idée aussi que l'on trouve aussi, c'est finalement un processus sans fin d'accumulation de richesses. C'est-à-dire, l'idée, c'est par exemple, y compris pour un collectionneur animalier, hein, l'idée qu'il faille accumuler personnellement des animaux qui normalement, dans cette cosmovision, on leur vit en interdépendance avec les humains. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est quelque chose d'incompréhensible. Hein. Donc, cette critique de l'exploitation des matières premières, de la faune, de la flore. Tout à l'heure, j'entendais que vous évoquiez la question des pharmacopées ou des plantes, etc. C'est un thème qui revient systématiquement. Hein. Et c'est un thème intéressant parce que, c'est, si vous voulez, la pharmacopée indigène, ça dépend beaucoup des régions. Hein. Parce que c'est un savoir empirique qui s'est mis en place. Mais quand on présente souvent les pharmacopées indigènes comme étant des médecines douces, faut faire attention. Hein, parce que je veux dire qu'on oublie que quand on anesthésie les gens actuellement, on les anesthésie avec des dérivés du curare. Hein, il y a encore beaucoup de communautés indiennes qui utilisent ça pour chasser, parce que ça a un avantage, quoi, si vous voulez. C'est que quand vous décochez une flèche sur un animal qui se trouve à... dans la canopée, bon, l'idée c'est qu'il tombe, c'est pas qu'il meure dans l'arbre. Bon, donc en l'occurrence, il faut le paralyser, etc. Donc il y a, et alors la meilleure preuve, c'est qu'effectivement, quand on se balade dans ces régions-là, on trouve des anthropologues, on trouve aussi beaucoup de gens qui sont payés par l'industrie pharmaceutique. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent avec les gens, ils se font souvent passer comme des ethnologues ou des anthropologues. Qui leur disent, voilà, quand vous soignez ça, ils essayent de récupérer des molécules, qu'ils analysent après, ils essayent de comprendre les processus de fabrication, etc., etc. Donc, il y a ça. Ce qui est aussi critiqué, qui relève un peu d'un fonctionnement, on va dire, en circuit fermé, hein, c'est la dissolution des responsabilités entre pouvoir politique et entreprise privée étrangère. C'est des choses qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. C'est l'idée que, d'une certaine manière, les gouvernements qui sont au pouvoir concèdent à des entreprises étrangères quelque chose qui devrait être exploité au niveau national et à petite échelle. Donc il y a cette idée-là, alors, qui est liée aussi à des problèmes que en rencontrant des représentants, par exemple, des secteurs économiques ou de ministères, par exemple, au Pérou et en Équateur, les gens disent, ou en Bolivie, c'est un peu pareil, bon, on aurait voulu faire un capitalisme purement national, finalement, mais grosso modo, bon, si on raisonne en termes de transfert de technologies, de capitaux, etc., on ne peut pas développer ça. Donc on fait un deal avec des... Et c'est en général un contrat léonin, qui est établi avec des entreprises étrangères, puisque l'essentiel des gains de cette exploitation-là passe à des pays étrangers, et ce qui reste, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, alors, donc, il y a aussi cet estompage des frontières entre public et privé. Hein, tout à l'heure, quand on voit le truc où c'est indiqué qu'on est dans quelque chose qui est collectif, ça ne l'est pas. Il y a un estompage. On le voit systématiquement. Et un dernier estompage entre biens communs et ressources naturelles. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, bon, voilà, on a affaire à... La Terre, c'est un grand magasin, il suffit de se servir. Et puis les plus dynamiques, ceux qui sont les plus novateurs, les plus entreprenants se servent. Et là où des gens disent non, ce sont des biens communs, c'est quelque chose qu'on entend souvent qui revient. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est quelque chose que l'on a en héritage, on doit aussi le transmettre. Donc c'est une question qui revient souvent et qui montre finalement que les choses, un peu les frontières bougent, et que ces revendications-là commencent à trouver de nombreux échos parmi d'autres acteurs de la société, on va dire civile. Il y a aussi cette notion là, que j'évoquais tout à l'heure, le summa causa, le buen vivir, le bien vivre. Qui est certes instrumentalisé par certaines politiques gouvernementales, comme par exemple en Équateur, mais qui dans les communautés indiennes est défini comme d'une certaine façon une refondation du lien social. C'est pas simplement un truc un peu à la mode là pour dire voilà on vit bien, on mange bien, on rigole bien, etc. On met ses bouteilles plastiques dans le truc où il y a les bouteilles plastiques, le papier, le vieux papier, voilà, le bois de vivre. Non, c'est véritablement quelque chose qui interroge la question du lien social, les liens de solidarité aussi. Et c'est des solidarités non seulement entre les individus, mais aussi avec les animaux, choses comme ça, hein. De respect de l'altérité, c'est-à-dire qu'effectivement, je vois par exemple dans beaucoup de réunions auxquelles j'ai assisté dans des conseils mapuchés, par exemple, la question, par exemple, évidemment, les mapuchés ont une particularité, hein, c'est que ça a été la dernière, société indigène qui a été soumise parce que jusqu'en 1860, Les Mapuches, qui avaient un tempérament assez guerrier, ont réussi finalement à faire en sorte que il y a une rivière qui se trouve, qui s'appelle le Rio Biobío, et en deçà de cette rivière, toute la partie sud du Chili jusqu'à la Patagonie, c'est une région qui n'a jamais été colonisée par les Espagnols. Et donc, ils sont arrivés très tardivement à être soumis. Et ça s'est passé aussi par un processus qui existe dans des tas de pays, hein, c'est-à-dire qu'on favorise l'implantation de colons. Donc ça veut dire que dans une grande partie du sud du Chili, là où vivent les Mapuches, on va dire dans la campagne, hein, il y a une espèce de on va dire comment ça s'appelle ces choses. Il y a des zones comme ça où il y a des fermes qui appartiennent par exemple à des anciens colons allemands, hollandais, etc., etc. Et dans les débats, revient toujours cette idée que dans un processus, on va dire, d'autonomisation de ce qu'ils appellent l'Araucanie, les Mapuches, qui est le nom de leur pays, là, dans ce processus d'autonomisation, en aucun cas, il est question d'exclure ces colons-là. Parce que ce sont aussi souvent des petits agriculteurs, des fermiers, etc., etc. Donc l'essentiel, c'est bien d'exclure des entreprises... Hein, qui pratiquent, par exemple, l'élevage intensif. Ça se passe aussi de plus en plus. Moi, je suis surpris de voir l'Argentine, par exemple, la dernière fois que j'y étais, donc l'année dernière, on voit dans la Pampa, on voit des élevages intensifs de bovins en stabulation. Ce qui caractérisait pendant longtemps la Pampa, bah, c'était les gauchos, voilà, c'était l'élevage justement extensif. Bon, ça se fait parce que donc c'est un truc complètement étonnant. On voit un changement de l'élevage aussi de salmonidés. Hein, c'est un vrai désastre écologique. Enfin, si vous allez au Chili, il faut jamais manger de saumon. C'est une horreur totale. Ils ont des gros problèmes. C'est une technologie norvégienne. C'est l'un des problèmes majeurs qui existent dans les élevages de saumon. Des élevages de saumon au Chili, au sud du Chili, c'est que les Norvégiens, parce qu'ils connaissaient mieux, on va dire, les réactions du fameux saumon d'Atlantique, ils ont plutôt décidé d'implanter des saumons d'Atlantique. Et grosso modo, voilà, c'est un peu toujours l'idée, on se dit, voilà, ces animaux, ils vont rester bien clos. Le problème, c'est qu'il y en a qui se sont échappés. Ils sont dopés aux antibiotiques, etc., etc. Ils sont résistants. C'est que en 2000, j'ai eu l'occasion d'aller faire un séjour. Il y a eu une grosse crise. Avec la moitié des élevages sont morts. Ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus soigner les saumons parce qu'ils avaient développé... D'abord, ils s'étaient hybridés avec des saumons du Pacifique et qu'ils avaient développé des résistances aux antibiotiques. Ils ne pouvaient plus les soigner. Donc ça donne une idée un peu de ce que les gens en ont dans leur assiette. Et donc, voilà, un petit peu... d'où le rôle des communautés indigènes. Alors, c'est un peu là qu'il y a un changement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, des revendications archaïques, une vision du monde qui s'intéresse aux enjeux environnementaux, bon, qui est dans le passéisme, hein, voilà, les petites fleurs, les petits oiseaux, etc., etc. Et tout à coup, à la faveur de ces enjeux majeurs, on voit le rôle des communautés indigènes dans la prise de conscience de la nécessité de préserver le milieu naturel et de ses richesses. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont aux premières loges dans la mesure où ils continuent pour certains à vivre directement dans des écosystèmes dont leur vie dépend. La question de l'eau, par exemple, est quelque chose de tout à fait central. Donc ça dépend complètement. Le logement... comment... Et avec aussi la conscience qu'effectivement, quand ils voient ce qui se passe, il y a une finitude des ressources sur Terre. Donc il y a déjà des endroits où des espèces animales ont disparu, certains arbres ont disparu, certaines plantes ont disparu, etc., etc. Donc une alerte finalement, on va dire, de gens qui sur le terrain constatent la fragilité des biotopes. Et des choses qui sont absolument irrécupérables. Quand il y a des zones complètement déforestées, si vous replantez autre chose, vous avez autre chose. C'est un domaine secondaire, les animaux ne reviennent pas, etc., etc. Bon, j'ai évoqué déjà le cas de la pharmacopée. C'est aussi un point important parce que pendant longtemps aussi l'idée c'était de dire voilà, on oppose un savoir scientifique hein, on est tout à fait dans les histoires d'Alembert, Diderot, Lavoisier, etc. La science moderne fonctionne par l'objectivation d'un processus expérimental. On doit pouvoir reproduire, etc., etc. Alors là, on est dans d'autres types de connaissances qui sont des connaissances accumulées par l'empirie. Mais avec quelquefois, comme l'ont remarqué notamment chez les Guarani et aussi chez les Mapuche, qui ont une grande richesse pour soigner les gens avec des plantes, ils sont très très des écorces, des choses comme ça, ils se sont aperçus que, en interrogeant finalement les personnes qui sont au fait de ces pharmacopées-là, que les mots qu'ils utilisaient pour, on va dire, classer ces médicaments, ce sont des substances médicamenteuses qui permettent de soigner. Grosso modo, à quoi vous destinez ce genre de produit? Ils arrivaient à une division, qui est le fruit de l'empirie, si vous voulez, mais qui est une division qui correspondait, par exemple, à ce qui existe en médecine contemporaine, quand on prend des antalgiques contre la douleur, quand on prend des antiseptiques pour éviter, des empoisonnements, etc., ou quand on prend des anesthésiques. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de voir ça, je connais un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces pharmacopées, qui sont guérisseurs, et c'est toujours étonnant de voir non seulement la palette de produits qu'ils ont, mais avec une vision extrêmement, extrêmement précise, si vous voulez, de l'usage. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire que l'antalgique, effectivement, quand il est administré, permet à la personne de moins souffrir. L'anesthésique fonctionne. Je vous parlais du curare, ils ont d'autres produits qui fonctionnent bien. Alors, effectivement, d'une communauté à l'autre, il y a des savoirs qui sont, on va dire, mieux constitués et aussi mieux transmis. Il y a des choses tout à fait étonnantes en termes linguistiques, c'est que j'ai eu l'occasion de voir ça dans le nord de la Bolivie, par exemple, un peu, vous savez, vous discutez avec un toubib, je ne sais pas, moi, expert de cancérologie, il va utiliser un vocabulaire, vous n'y comprenez rien. C'est pour ça, dire quand on va voir un médecin, non, est-ce que vous pouvez nous faire la traduction, quoi. Eh bien, il y a aussi un langage particulier qui permet finalement à des gens, ils parlent une autre langue, certains guérisseurs, une autre langue, qui est exclusivement destiné, on va dire, à désigner et à transmettre ses savoirs médicaux. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que de fil en aiguille, finalement, il va y avoir une résonance entre, finalement, ces gens qui utilisent souvent ce terme de dire « nous sommes des témoins de ce qui se passe, et nous l'avons d'autant plus volontiers anticipé » que d'une certaine manière, nous vivons souvent en autarcie, dans des milieux extrêmement fragiles, mais qui nous permettent quand même de voir l'évolution des choses quand même sur déjà pas mal de temps. Voilà, c'est un petit peu... Alors, pour les questions de démocratie, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que précurseurs, on va dire, en matière d'écologie, ils sont également conscients que ces enjeux-là, parce que c'est un peu l'entrée aussi, ces enjeux, on va dire, par exemple, environnementaux, écologiques, ne peuvent être réglés que par un large débat public. Ça, c'est quelque chose qui revient toujours. Je me rappelle, c'était en 2012, j'ai fait un séjour justement en Araucanie, là, chez les Mapuche, pendant 2 mois, là. Et une des premières rencontres et des premiers entretiens que j'avais fait avec de nouveaux contacts, il m'avait dit « Ah ouais, bon, c'est un conseil communautaire, où grosso modo, les gens du village étaient réunis dans une salle, toute la journée, ça dure toute la journée. Hein, ils commencent par régler des conflits classiques de voisinage, des bestiaux, etc. Il y a une partie aussi où ils discutaient de l'interprétation des rêves, parce que bon, dans beaucoup de communautés Mapuche, le rêve et la réalité, c'est la même chose, donc ça demandait d'être explicité. Et puis, il y avait un représentant donc, du village qui revenait de Santiago, où ils avaient rencontré des gens du ministère. D'accord ? Et alors, voilà, ils étaient en train de discuter d'un texte, une discussion relativement serré concernant des droits territoriaux. Et à un moment donné, ça dure des jours, les gens du gouvernement veulent pas céder. Finalement, ils font un amendement. Et puis, ils disent, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas. Bon, est-ce que vous signez? Ah, non, nous, il faut qu'on revienne maintenant pour refaire tout un tour complet de toutes les communautés pour voir si cet amendement-là, il est acceptable ou pas. Et donc, c'est un processus effectivement lent. On est dans la concertation un peu lent. Ça ressemble un peu, vous savez, quand on voit ce qui se passe sur les élections et surtout sur les comportements politiques, je pense que comme beaucoup de gens, je me dis qu'au-delà d'autres problèmes majeurs qui se posent à notre brave pays, je pense que la classe politique n'a pas compris qu'on ne peut plus diriger comme ils le font. sur une espèce de compte à soi d'une démocratie représentative. Enfin, c'est pas assez, quoi. Il y a un processus qu'un certain nombre de pays nordiques avaient mis en place, c'est les conférences de consensus. Vous voyez, pour des débats clés, effectivement, vous allez mettre en place, vous allez choisir au hasard 200 à 300 personnes qui vont être formées. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, la crise de la vache folle, par exemple. Ça s'est fait à une certaine époque au Danemark. Et donc ces citoyens-là vont débattre, vont convoquer des experts, etc., des scientifiques, etc. Et c'est eux qui vont finalement rédiger les attendus qui vont se solder par une décision politique. Alors moi j'ai vu des choses, ça m'a souvent évoqué ça. J'avais un collègue Latour qui était spécialiste des conférences de consensus, qui se battait pour qu'en France on fasse ce genre de choses-là. Et ça faisait un peu un écho. C'est que grosso modo, effectivement, il y a des échelons où l'intégration d'acteurs de la société civile qui in fine, formalise une décision qui doit être respectée. Et ça, c'est aussi en phase avec, on va dire, les règles du débat public. C'est aussi en phase, moi je me souviens d'une définition de Jean Baudrillard quand il disait, voilà, le problème avec les moyens de communication modernes, c'est qu'ils génèrent de la communication avec le A privatif. C'est-à-dire qu'on arrive au contraire. Alors il expliquait pourquoi, il dit, bah oui, si on accepte de définir la communication comme un échange, donc ça ne peut pas être unidirectionnel, hein, comme l'espace réciproque d'une parole, et il disait après, et d'une réponse, c'est pas le tout de parler, la réponse est importante. Et il disait, voilà, l'articulation d'une parole, d'une réponse, ça veut dire, il appelait ça une responsabilité. C'est-à-dire que, voilà, il situait la question du rapport au langage comme étant, on va dire, une valeur éthique de responsabilité. On ne peut pas simplement faire circuler la parole dans un sens, il faut que ça remonte dans l'autre. C'est aussi, par exemple, il y a un ouvrage, tout à l'heure quand je parlais de John Holloway à un moment donné, qui a beaucoup travaillé avec le sous-commandant Marcos, avec le Ejército Zapatista de Liberación Nacional, l'armée zapatiste de Libération Nationale, à un moment donné, il discute avec Marcos. Et Marcos répond de cette façon-là à la question qui est « qu'est-ce que vous avez appris finalement dans ces communautés indigènes ?» Là où ils ont essayé de refonder tout un projet particulier, là on est dans le Chiapas. Il dit la chose suivante, « ils nous ont appris à écouter et c'est ce que nous avons appris. » C'est-à-dire qu'effectivement, la question de l'écoute est fondamentale. C'est vraiment en écho avec des trucs qu'on entend par chez nous, quoi. Et il dit, parce que, aussi sur la parole, il dit, on a appris à écouter, et c'est ce que nous avons appris, et il dit, et ce qui est dit doit être fait. Le problème, il est là. Quand Baudrillard évoque la question d'un éthos de la responsabilité à travers la parole, c'est, vous dites quelque chose, ça doit être fait. Et là, c'est cette parole qui est prise en défaut, dans beaucoup de pays, notamment sur tout ce qui concerne les questions des relations avec le pouvoir politique. Hein. Le non-respect des lois et des traités. Hein. Il y a une loi indigène de 93 qui a été votée au moment du retour à la démocratie avec Patricio Aylwin au Chili, hein, qui intégrait non seulement les Mapuche, mais les Rapanui de l'île de Pâques, les Aymara et les Quechua qui habitent dans le nord de... etc. etc. Cette loi-là a été mise en place. L'un des participants au colloque qui a rencontré justement Jean-François, José Bengoa, fait partie des maîtres d'œuvre de cette loi-là. Et il est le premier à dire, voilà, ça a été complètement abandonné. Quoi. La loi existe, elle n'est pas appliquée. Donc il y a un non-respect de textes qui ont été signés. Et à un moment donné, où il y a eu un travail de concertation. Alors, il y a d'autres lois comme la fameuse convention 169 de l'OIT, hein, parce qu'on pense souvent, nous en France on se dit voilà c'est la charte des, des langues européennes, des langues minoritaires et comment, régionales. Bon, elle n'a pas été ratifiée pour la France, on connaît les raisons, il y a toujours cette obstruction jacobine qui traverse les clivages politiques, c'est un truc assez navrant. Hein. Mais si vous voulez, il y a aussi d'autres lois internationales. Enfin, le problème qu'il y a en Europe, c'est que normalement, l'Europe n'est pas une institution internationale, c'est une institution supranationale. Donc ça veut dire que normalement, à un moment donné, les membres de cette communauté-là doivent avaliser les décisions qui sont prises en commun. Hein. Mais quand on arrive au niveau de l'UNESCO et de l'OIT, bon, c'est le problème des organisations internationales. Ça n'a pas de valeur prescriptive. Donc il y a toujours un processus de signature, de ratification. Le Chili a ratifié la convention 169 de l'OIT, qui est extrêmement précise sur la question de l'éducation interculturelle bilingue, sur les droits territoriaux, etc., etc. Mais en toute hypothèse, si vous voulez, bon, elle fait l'objet, on va dire, d'un travestissement de la réalité. Et c'est des choses qui reviennent systématiquement. Quoi. La question de la trahison, finalement... l'obligation d'une consultation préalable, la convention de l'OIT, il y a l'obligation de faire une consultation préalable. D'accord, donc je vais terminer. Et donc, pour terminer, effectivement, je suis arrivé à ma dernière page, il convient de souligner que ces luttes rappellent avec force que sortir du statut de minorisé implique l'accès à la pleine citoyenneté. Or, les discriminations, je vais terminer un peu là-dessus, les discriminations, la pauvreté, la misère, le racisme, touche en premier lieu les membres des communautés indigènes. Et pendant longtemps, il y a quelque chose qui a été souligné par Razmik Kecheyan et puis aussi le premier ministre bolivien, qui est un sociologue connu, comme Alvaro García Linera. Il souligne qu'effectivement, le problème qu'il y a eu en Amérique latine, c'est que pendant longtemps... cette question sociale des inégalités a masqué la question ethnique, pour dire les choses un peu de cette façon-là. Parce que d'une certaine manière, les ouvriers dans les mines, qui sont à l'origine de nombreuses manifestations dans ces pays-là, sont aussi les minorités indigènes. Donc c'est un problème. Voilà. Donc c'est ce qui explique que de nombreuses luttes dans le Chiapas, au Brésil aussi, que je connais moins, la Colombie. Les thèses, on trouve des thèses intéressantes, c'est les thèses de Paulo Freire. C'est quelqu'un qui est très reconnu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La pédagogie des opprimés », et qui ont toujours eu autant de succès, parce que ça posait d'entrée de jeu, beaucoup de succès, auprès des communautés indigènes, parce que l'éducation est vue comme un processus politique de conscientisation et de libération. Donc c'est très en face avec ces revendications. On trouve une espèce de terreau un peu pour évoquer ces questions-là. Bon, voilà. Alors, donc si vous voulez, pour clore, oui, il y a un article dans un des ouvrages, c'est un thème qui revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui soulignent en fait que, loin d'être passéistes, ces revendications sont extrêmement modernes. Extrêmement modernes. Parce que il y a même des gens qui parlent d'avant-garde de la mobilisation de forces sociales avancées, parce que ça intègre différentes communautés. Il y a un jeu d'alliances qui existe entre, par exemple, des communautés indigènes, des paysans sans terre, des économistes hétérodoxes, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns aussi, des défenseurs des droits de l'homme, des altermondialistes, des partis progressistes, et aussi ce qui reste de ce que l'on appelle les démocrates chrétiens, qui sont issus de l'ancienne mouvance de la théologie de la libération, qui était assez forte. Donc qui se mobilisent contre la globalisation économique, contre la violence de ses effets sociaux, culturels, économiques, politiques et environnementaux. Donc à tout le moins, voilà, c'est important d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, qu'ils soient du pays mapuche, des zones amazoniennes ou du Chiapas. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette communication passionnante. Donc il nous reste un petit peu de temps pour discuter, pour poser des questions. Et je vous profite d'avoir la parole pour la confisquer l'espace d'un instant. Et notamment, je reviens à ce que tu dis sur les revendications extrêmement modernes, côté avant-garde. Je suis assez frappé par les points communs entre ce que tu décris et ce qui a pu être écrit, par exemple, par Tove Maloy à propos des minorités en Europe, où elle dit que finalement, les minorités en Europe ont une sensibilité poussée et une pensée avancée par rapport à l'environnement, par rapport au féminisme, par rapport à la démocratie. Et voilà, je pense à ça. Je suis aussi frappé par, au-delà évidemment de tout ce qui doit être changé, par les points communs avec ce qui a pu être dit des Bretons, quand on parle d'archaïsme, etc., etc., et puis parce que ce qu'on peut trouver chez les Bretons. Donc je me dis, il y a vraiment des travaux intéressants à mener. Ce qui a été dit l'autre jour par l'intervenant kurde qui est venu nous parler de, voilà, des luttes kurdes avec beaucoup de points communs avec ce que tu décris. Il y aurait vraiment ce serait bien d'arriver peut-être à faire émerger des travaux de comparaison un petit peu, ou de mise en comparaison des minorités à travers le monde. Ouais. C'est vrai que bon, il y a moi, ce qui m'intéresse dans ces terrains-là aussi, c'est aussi de voir que bon, dans les relations que j'ai eues, bon, les relations sont facilitées aussi les gens demandent toujours pourquoi vous vous intéressez à ces questions-là, parce qu'en plus, dans beaucoup d'endroits, ils ont vu des universitaires arriver depuis des temps immémoriaux, et ils ont de bonnes raisons de s'en méfier, autant que des divers missionnaires qui continuent d'ailleurs à sévir. Donc ce qui a facilité la relation, c'était aussi le fait que, par exemple, il y a quelque chose qui rentrait aussi en écho, hein, c'est-à-dire la question, on va dire, des conséquences du statut de minorisé sur la façon dont on se représente son identité. C'est-à-dire que moi j'expliquais qu'en Bretagne, il y a eu un changement à un moment donné d'une minorité, enfin des choses qu'on a connues quand on était jeune, hein, fils de plouc, par exemple. Quand Roux parle de ça, c'est tout à fait juste. Hein, et à la faveur d'une dynamique sociale, politique et culturelle qui fait que bon, cette identité est mieux vécue. Hein. C'est d'ailleurs toujours surprenant d'entendre des gens, hein, qui, quand on leur dit qu'on habite en Bretagne, qui disent « Vous avez de la chance ». J'ai entendu des gens dire « Vous avez de la chance d'être breton ». Ça n'a pas toujours été dit. Et là, on se trouve devant une espèce de statue antéco. C'est-à-dire on se trouve devant un moment... Moi, quelquefois, ça me fait penser à ce que beaucoup de gens ont écrit sur le statut des langues en France. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une rupture relativement importante dans l'entre-deux-guerres, hein, où il y a eu un changement radical qui s'est soldé... Alors, aussi par des choses que l'on voit, les processus d'acculturation, hein, c'est-à-dire le fait que tout à coup, des gens qui ont été mobilisés pendant les guerres, par exemple en Bretagne, reviennent en se disant voilà, le français c'est la langue de la modernité, c'est comme ça qu'on trouvera un job. Enfin, on a tous connu des grands-parents qui ne comprenaient pas pourquoi on s'obstinait à... Ma compagne a passé son bac en breton, sa grand-mère ne comprenait absolument pas pourquoi elle avait voulu le faire, des choses de ce type. Et c'est vrai qu'on se trouve devant ce statut où, tout à coup, finalement, les choses changent. C'est extrêmement fragile, y compris dans des communautés importantes. Quand on voit, par exemple, les Quechua, parce que c'est quand même une population, ils sont aux alentours de 11 millions de personnes, sur différents pays, hein, et avec des situations très contrastées. Moi, je me rappelle dans la région de la Purimac, où je vais souvent, là, derrière Cusco, une région assez difficile d'accès, et où, grosso modo, il y a 90% de gens qui parlent le Quechua. On se dit, c'est bien, voilà, au moins on est sûr que là, le Quechua... Voilà. Le problème, c'est que les gens sont confrontés à des problèmes de misère intense, hein, de l'alcoolisme, des choses comme ça, et puis surtout à un sentiment d'extrême dévalorisation de leur langue, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas la parler. Alors c'est des choses qui changent quelquefois quand on va un peu plus loin, et ça change en général quand il y a deux choses qui se mettent en place, à savoir de véritables politiques de... on va dire public, hein, dans le secteur de l'éducation et tout ça, et puis aussi des choses qui ont à voir avec l'économie. Moi, je connais deux exemples comme ça. Il y a une communauté où je vais souvent, où à un moment donné, les gens ont décidé de prendre les choses en main et se sont dit, par exemple, ils se sont posé un problème qui était un truc classique que l'on voit dans beaucoup d'autres réalités. Comment éviter l'exil des jeunes et le départ des hommes dans les villes où en général, c'est là qu'ils trouvent du travail. Ils servent de manœuvre dans les chantiers. Et à un moment donné, j'ai rencontré l'un des promoteurs de cette idée-là, notamment en Équateur, dans les Andes équatoriennes. Et les gens se sont dit, il faut que l'on fasse du tourisme équitable. Il faut qu'on se débrouille pour que des gens ils viennent chez nous. Ça fonctionnait par des microcrédits, etc. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va accueillir. Il faut qu'on essaye d'accueillir des gens qui, au lieu d'aller, à 10 km de là, dans la vallée, montent et puis viennent dormir chez nous, dans des conditions assez, assez rudimentaires, spartiates. Enfin, c'est pas l'inconfort, hein, loin s'en faut. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait dans ce village. 118 familles, c'est pas très grand. Moi, j'ai vu au fil du temps l'évolution. On sent un bien-être. Les jeunes s'occupent, par exemple, d'organiser, par exemple, c'est au pied d'un volcan, donc un trek dans les volcans. Il y a tout un travail autour de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, finalement, voilà, vous mangez des produits sains, etc. Il y a tout un... les gens restent quelques jours, l'argent leur tombe directement dans la cagnotte. Il y a une espèce de solidarité. Tout le monde n'accueille pas des touristes, mais quelquefois ils vont aussi, par exemple, fournir des chevaux ou s'occuper des cultures. Et grosso modo, ils ont réussi non seulement à garder l'école qu'il y a, hein, mais aussi à stabiliser, on va dire, l'exode. Les jeunes ne partent plus. Vraiment, une personne qu'on a interrogée, un jeune qui finalement a décidé de revenir à la maison de ses parents, et maintenant il travaille en accueillant. Donc ça, c'est on va dire, c'est la dimension économique, quoi, qui est tout à fait fondamentale et qui marche pas mal. Par exemple, dans ce village-là, ils sont même arrivés à développer des statistiques. Alors, j'étais sidéré quand j'étais les voir. Ils sont capables de dire combien de naissances il y a, combien de morts il y a, des choses comme le nombre exact de personnes qu'ils ont accueillies. Ils ont discuté des seuils. Ils se sont dit, il ne faut pas qu'on aille au-delà parce qu'à un moment donné, on va être un petit peu folklorisé. C'est un petit peu le danger. L'autre communauté, c'est une communauté qui est assez connue, c'est ce qu'on appelle les Otavalos. Les Otavalos, donc, ils sont des Quechua aussi, se sont trouvés dans une situation où, lors de la colonisation espagnole, les Espagnols se sont toujours intéressés aux matières premières. Ils se fichaient un petit peu de tout ce qui était cotonnade, de tissage, etc. Et donc, ils ont réussi à développer dans cette communauté-là, on va dire, toute une petite... un artisanat du tissage, et de fil en aiguille sont devenus vous pouvez acheter n'importe quel produit, n'importe quelle chemise qui est brodée, qui vient d'Amérique latine, ça vient de ce village de Tavalo. D'ailleurs, ils sont sacrément bien organisés, hein, parce que si vous voulez, quand vous allez les voir, moi j'ai demandé à visiter l'usine, mais ils veulent pas, parce que si vous voulez, quand ils gardent toujours l'idée que quand quelqu'un achète un tissu sur un marché, il l'achète à un petit artisan. Ils ont des trucs qui sont suspendus dans la rue, etc. Et puis derrière, ils ont leurs entrepôts. Mm-hmm. Vous voyez, si vous ne trouvez pas un truc avec la couleur qui vous plaît, ils disent, c'est arrivé une fois, on voit derrière, et là il y a un entrepôt, et vous voyez, ça monte au plafond. Mm-hmm. Et donc, c'est quelque chose. Donc, alors, c'est assez intéressant, parce que cette communauté-là est assez prospère. Et on le voit, moi, c'est un signe qui m'a toujours étonné, parce que en général, quand il y a un processus d'exclusion un processus d'exclusion dans des communautés comme ça, les hommes très rapidement, j'ai pas pu amener de photos des Mapuches, mais très rapidement s'habillent à l'occidental, d'accord. En général, ce sont les femmes aussi, parce qu'elles restaient chez elles, qui font perdurer les traditions vestimentaires. D'accord. Et là, chez les Otavalos, les femmes et les hommes sont habillés de façon traditionnelle. Mm-hmm. Et donc, ça montre aussi que la restauration de cette identité passe par ce genre de choses. Je sais pas si on a... Moi, je trouve ça passionnant. En fait, je pas... Est-ce qu'on a des... On peut bien sûr se déplacer, vous rencontrer, c'est moins, il faut connaître, mais des rapports, des choses sur ce genre d'expérience. Parce que je trouve ça assez passionnant, c'est assez prise en compte de la pluriactivité, la capacité à s'auto-organiser, ouais, qui est loin finalement du type de travaux qu'on peut trouver. Quoi. Et moi, je serais très intéressé pour effectivement avoir des études de cas sur ça, qui montrent cette capacité d'auto-organisation et cette capacité finalement à créer la valeur pour s'organiser différemment de systèmes plus marchands éventuellement. Ouais. Ces exemples-là sont... Est-ce que je suis clair dans ma... Oui. D'avoir vraiment une... Ouais. De travailler sur ces questions-là. Alors justement, quand vous évoquez ça, moi, à un moment donné, parce qu'au départ, moi, je m'intéressais plutôt aux questions des médias. À un moment donné, je me suis dit, finalement, en travaillant sur les... sur ces langues et cultures minorisées. Ce qui était intéressant, c'était de mettre en place les fameux répertoires d'action. C'est-à-dire, grosso modo, quelles sont les modalités de résistance qui sont déployées par des individus, mais alors, en l'occurrence des communautés indigènes, pour arriver finalement à... pour arriver à vivre, on va dire, simplement. Quoi. Et je l'ai fait parce que, si vous voulez, il y a Je pense que c'est un peu nouveau, quoi. Ça s'inscrit un peu, vous savez, dans... Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « Demain », qui est un film, un documentaire, qui porte le regard sur des micro-expériences. Et ça, c'est des débats qu'on a aussi actuellement dans des pays comme la France. C'est-à-dire, que faire par rapport, politiquement, pour un peu comme l'histoire de Loé, pour changer le monde, hein. Ben, y a des gens qui les AMAP, par exemple, ont été montés, on va dire, dans les interstices des systèmes de distribution, par exemple, et d'organisation des marchés agricoles. Hein. Mm-hmm. Donc c'est une initiative collective, mais qui est une initiative qui apparaît et qui se reproduit ou pas. Et donc des expériences comme ça, il y en a plein. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Moi, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est des choses sur lesquelles je trouverais vraiment intéressant. Vous réagirez juste sur deux de vos exemples. Sur le cas du textile. Parce qu'il y a aussi des financements par l'ONU pour favoriser l'innovation dans des secteurs traditionnels. Oui. Notamment sur le secteur des camélidés, donc tout ce qui est textile, et les plantes médicinales. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens s'organisent, mais il y a d'autres enjeux dès qu'on veut rentrer sur les marchés mondiaux qui sont sacrément compliqués. Sur le cas du camélidé, par exemple, il y a une dégénérescence des troupeaux. Et donc, en fait, qui peut gérer ce truc-là? C'est la communauté en elle-même, c'est pas si tant de communauté. Dans le cas des plantes médicinales, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, il y a des tests qui sont pris, enfin, il y a des États qui mettent en place des équipes pour voir les tests de toxicité. Et en fait, dès qu'on rentre dans ces jeux-là, on se rend compte que si, par exemple, on n'a pas de politique de propriété intellectuelle, on peut imaginer des firmes multinationales qui, sur de nouvelles molécules, viennent effectivement jouer ce jeu-là. Ce que je veux dire, c'est la prise en compte à la fois d'expériences, de succès et d'échecs éventuellement sur lesquels on puisse vraiment traquer pour voir comment on peut créer la richesse, la valeur locale pour le développement local, et en même temps le fait qu'on a d'autres dimensions qu'il faut pouvoir intégrer, sinon on est sur un jeu qui est un jeu perdant. Et moi, j'avoue que je découvre un peu ces choses-là. Ouais. Je serais vraiment intéressé si on pouvait avoir ce genre de mutualisation ou de choses sur des cas qui marchent, d'autres travaux qui peuvent être faits par les étudiants de façon progressivement, peut-être que ça se fait, c'est peut-être ma remarque peut-être naïve. Non, moi je pense que vous mettez le doigt sur un truc essentiel qui interroge le fonctionnement des sciences sociales. C'est que, grosso modo, par exemple, toutes ces expériences dont je parle, ça figure dans ce que mon collègue là, Armand Matelard appelait l'intelligence collective. Oui. Ça se développe dans les interstices du système, mais comme dirait l'autre, ça ne fait pas système. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'il y a la visibilité de ces choses-là ne va pas de soi. Donc ça veut dire qu'à partir de là... quand on regarde les sciences sociales, les sciences sociales aussi ont fonctionné pendant longtemps de façon très systémique, où on était dans le macro, où on était dans le micro, où on était dans le méso, mais en général on ne recroisait pas ces trois dimensions-là. Il y a aussi la question de l'interdisciplinarité. Et puis il y a aussi quelque chose d'important. Hein, moi, quand on parle de la théorie critique, bon, c'est vrai que quand on regarde par exemple certains travaux... D'Adorno, par exemple, évidemment, on est loin, par exemple, des développements, c'est pour ça que je citais aussi Axel Honneth, qui tout à coup va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des effets systémiques. Hein, lorsque l'on parle du capitalisme, c'est un problème systémique, mais ça peut être intéressant aussi d'aller voir du côté des subjectivités et des sociabilités. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui a été extrêmement négligé, notamment par la sociologie. La sociologie ne s'intéressait pas aux subjectivités. Hein, comment est-ce que les gens réagissent par rapport, par exemple, à de la domination, hein, ou à la propagande. Il y a des travaux qui sont menés. Voilà. L'idée pendant longtemps, c'était que la propagande instrumentalise les gens. Et voilà, les gens, c'est une espèce de cire molle que l'on peut façonner. Et tout à coup, bon, les mécanismes de résistance montrent que les gens ne sont pas de la cire molle. Ils rusent avec aussi le social, ils sont inventifs. C'est pour ça que je citais quelqu'un comme De Certeau. C'est l'art de ce qu'il appelle le braconnage. Voilà, il y a un usage prescrit, finalement on fait autre chose. Hein. Et donc il y a une inventivité sociale. Et cette inventivité-là, c'est vrai qu'elle est assez invisible. C'est pour ça que je citais le film Demain. Quand on ressort de là, on se dit tiens, il y a des trucs intéressants. Et c'est vrai que quand on se balade sur moi, c'était un peu ça. Je parle des enjeux environnementaux, mais je me suis intéressé à plein de trucs. C'était par exemple des gens dans le secteur de l'éducation qui vont à un moment donné, pour ça que je fais circuler ce bouquin là, sur la question de la mémoire, sur la manière dont des enfants peuvent reconstruire leur mémoire d'un territoire, parce que dans beaucoup de communautés, c'est particulièrement chez les Mapuche, la question du territoire, c'est aussi une question de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a aussi des gros quiproquos quand il y a la négociation de droits territoriaux. Vous voyez, le fait qu'à un moment donné, ils décident de faire passer une route sur un cimetière, alors, les gens disent oh, c'est des passéistes, il suffit de déplacer le cimetière. C'est plus compliqué que ça. Moi, je sais que j'ai visité beaucoup de cimetières, j'ai beaucoup de photos de cimetières. Il y a toute une représentation, un cimetière, notamment chez les Mapuche. Le cimetière, c'est la reproduction la tombe est la reproduction en minuscule de la maison qui est orientée est-ouest. Vous ne pouvez pas la mettre dans l'autre sens. Parce que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et donc, votre vie, elle est pareille. Elle est déterminée par... Alors, c'est vrai que le territoire, ça fonctionne sur des logiques. Alors, j'ai peut-être le temps rapidement de vous montrer ça, pendant qu'on discute. Hein. Est-ce que le territoire est associé à la langue qui est parlée sur le territoire? Tout à fait, oui. Mais... Comme en Afrique, où les ethnies correspondent à la langue qui est parlée par l'ethnie. Il y a ça aussi, oui. Ouais. Mais là, je vais vous passer, parce que dans le travail qu'on a fait, ma compagne a proposé, parce moi je faisais des entretiens, elle y participait aussi, elle s'est aussi beaucoup occupée de collectage d'histoires de vie. Et puis à un moment donné, parce que c'est vrai qu'il y a un problème autour des entretiens, c'était qu'à un moment donné, c'est toujours intéressant de court-circuiter le dispositif, c'est-à-dire d'objectivation par le langage, pour arriver à avoir des représentations plus spontanées. Et c'est quelque chose qui est pratique, elle aussi, dans ses recherches et dans son travail. L'idée, elle avait acheté un grand cahier, à peine on est arrivé au bout d'un entretien, il y a un truc qu'il faudrait qu'on essaie. Voilà. Elle prend un grand cahier de dessin avec des stylos de couleurs, et puis elle demande aux gens, et ça marchait au-delà de nos espérances, à la fin des entretiens, est-ce que ça vous dérange, par exemple, d'illustrer graphiquement et poser une question. Alors on a posé ça à nos trois groupes témoins, des gens qui n'étaient pas des indigènes. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous être indigène? Et voilà le résultat que ça donne. Je vais vous passer ça vite, rapidement Mais, et ça, c'est sur une zone qui va de la Patagonie jusqu'au nord de la Colombie. Voilà. Donc c'était la question qu'on posait. Hein. Alors, donc voilà, c'est très symbolisé, ça. Ça va passer tout seul, j'imagine. Il y a un compteur qui est long. Il y a toujours cette histoire. Il y a un lien très fort à la nature, les éléments, l'eau, le temps, vous voyez, la canopée. Ça, c'est en Amazonie. Ça. Ces représentations-là qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent il y a toute une analyse à faire parce qu'effectivement une représentation par définition c'est aussi on va dire un idéal ou un fantasme, c'est-à-dire que là on interroge des gens, certains n'appartiennent pas à des communautés indigènes, c'est l'idée aussi qu'ils se font d'être indigènes, mais leur représentation montre un fort lien avec des questions on va dire d'ancrage dans le territoire et dans une temporalité qui est celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc je laisse courir ça. Si... Vas-y, si vous avez des questions. Mais d'où vient l'appellation indigène ? Pardon ? D'où vient l'appellation indigène ? Parce que forcément, les peuples qu'on nomme indigènes n'ont pas... je ne sais pas si j'ai la traduction de ce mot dans leur langue, mais je ne sais pas si c'est pas... Quel est leur endonyme, comment voilà, ça s'appelle voilà. Bon, ben, y a beaucoup... On prend le cas des Mapuche, ils se désignent eux-mêmes comme les gens de la terre. Voilà. Et dans beaucoup de communautés, surtout quand il y avait des isolats en Amazonie, on trouve beaucoup de gens qui s'appellent les hommes, parce qu'ils pensaient être les seuls, et que quelquefois des gens qui étaient à 80 km ou à 100 km dans des endroits difficilement accessibles les uns des autres ne se rencontraient pas nécessairement. Donc là, c'est un classique, ça, c'est un truc en anthropologie. Il y a beaucoup de. La plupart des sociétés, quand elles se désignent qui on est, ils vont dire les gens de la terre, les gens de la mer. J'ai eu l'occasion aussi d'aller en Malaisie, ils s'appellent les gens des forêts. Hein, et je ne sais plus comment ils disaient ça, mais autrement, ils opposaient les gens des forêts, donc c'était les êtres humains, à ce qu'ils appelaient orang-outan, qui étaient les gens des arbres, c'était les grands singes, vous voyez. Donc c'était une... Voilà, je pense que c'est assez classique, ça. Oui, je voudrais ajouter une petite chose par rapport à ce concept de l'indigène. En fait, pour que signifie être propre de la terre, d'un endroit spécifique. Oui, c'est et ça. Qui émerge un peu pour mettre les contre-pieds à la notion d'indien. Que beaucoup, c'était le produit d'une erreur linguistique. Hein, parce que c'était. Ça quiproquo. Voilà, indien qui vient de l'Inde. Ouais, mais c'est ça. Que c'était une erreur de la conquête, non d'appeler indien parce qu'ils pensaient que c'était l'Inde. Donc, beaucoup en Amérique latine, on préférait la notion d'indigène. Ouais. C'est pas dépréciatif parce que, grosso modo, il y a indigène exogène, allochtone, autochtone. Hein, parce que quelquefois, il y a des espèces de précautions langagières dans certains pays, notamment aux États-Unis, où ils n'aiment pas employer des termes. Mais le terme en soi n'est pas dépréciatif. Des gens qui sont de là et qui viennent d'ailleurs. Hein, En plus, parce qu'indien, ça a pris par contre. Ça, par contre, c'est très peu utilisé. Ouais. Plus au mépris, soit. Ouais, tout à fait. Une petite question juste technique, là, pour les entretiens, vous utilisez quelle langue ? Comment ça se passait ? Le nombre de langues que vous avez... En général, en espagnol. En général, en espagnol. Ouais. Ça se passe bien. L'introduction de l'espagnol, ça se... Oui, parce que c'est un peu le processus d'acculturation. Hein, les communautés indigènes parlent tout espagnol. Alors, quelquefois, il y a des endroits, moi, je sais que j'ai un peu appris un peu de Mapudungun, donc de parce que ça arrive quelquefois dans des entretiens avec des Mapuches, une partie de l'entretien, des gens un peu de façon spontanée vont parler en Mapudungun, un petit peu de Quechua, des choses comme ça. Mais j'irais plutôt pour des questions protocolaires, si vous voulez, hein, parce que grosso modo partout où on va, les gens s'expriment pas trop mal quand même en espagnol, hein, plutôt bien même. Oui. Dans votre parcours, que vous avez visité plusieurs communautés indigènes, oui. Et vous avez vu des échanges entre eux, oui. À quelle ampleur, oui. S'il y a des mouvements. Oui, j'ai participé, parce qu'à travers les processus classiques, hein, quand on dit de travail sociologique, anthropologique, l'observation participante, c'est que ça m'est arrivé de participer à beaucoup de réunions, par exemple, hein, y compris des réunions, soit internes pour grosso modo convenir d'une stratégie. Par exemple, je me rappelle avoir été à une réunion, ça peut être très varié, des réunions, par exemple, contre les ONG. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ont compris enfin que les ONG arrivent avec pas simplement qu'une technologie, mais quand je parle de technologie, on peut dire une technologie sociale qui ne fonctionne pas. Parce que voilà, donc comment on se positionne dans les communautés aussi sur des questions qui sont liées, on va dire, au type de contrat qui est acceptable quand, par exemple, il y a des négociations avec l'industrie minière. Il y a des choses comme ça. Dans des réunions aussi, dans des ministères, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation. Donc ça permettait à chaque fois d'avoir, on va dire, des informations sur... moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement les tensions, quoi. Parce qu'effectivement, quand on parle de débat public, un débat public, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, y compris quand dans une communauté, des gens vont se déplacer pour négocier des droits, etc. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Donc, en l'occurrence,